Moi, ce matin, je vais dire, vous allez voir, un homme qui a délié ma langue. C'est un peu spécial, mais vous allez comprendre. Il nous arrive dans la vie de prendre certains engagements qui peuvent facilement, à 150 ans, qui peuvent facilement dévier la vie. C'est ce qui est arrivé dans ma vie. C'est un élément que je n'ai pas, que je n'avais pas souligné dans mon témoignage de la fois passée. C'est-à-dire, quand j'ai commencé les études secondaires, j'ai commencé à pratiquer la boxe. Alors, dans la boxe, l'élément le plus important, on nous disait, éviter beaucoup plus la discussion. Là, j'ai commencé à, comment dirais-je, à confondre le débat et la discussion. Or, quand il fallait aller plus loin avec les études, ça nécessite aussi de se retrouver dans le milieu de débat. Parce que moi, là, je trouvais que dans la discussion, parce que la discussion, souvent, ça termine mal. Et en tant que sportif, on faisait la boxe. S'il faut que ça se termine mal, c'est-à-dire vous risquerez de vous cogner. Alors, un sportif, là, vous êtes la première personne à être condamnée. Alors, quand j'ai terminé le secondaire, on m'a envoyé pour aller enseigner sur le premier travail que je fais, aller enseigner dans un village à 150 km de la ville. J'arrive là, je trouve il y avait beaucoup de jeunes enseignants de mon âge. Chaque fois quand on termine, ils devront se rencontrer. Ils avaient, parce que c'était dans un camp de protestants, de missionnaires, le jeune là, tout ce qu'il faisait, c'est apprendre le débat sur la Bible, sur le sujet de la Bible. Alors moi, j'avais déjà un élément, il faut éviter le milieu où il y a la discussion. J'ai commencé vraiment à éviter ça. Quand je termine, je les retrouve dans le débat. Moi, je me retire, je vais dormir. Alors, les jeunes, ils ont trouvé que bon, comment un jeune qui ne voulait pas nous approcher, il me trouvait comme quelqu'un, comme Jacques vient de le dire, un raciste ou quoi, comme je venais de la ville et ils ont vécu dans le village, que je les évitais dans ce sens-là. Or, mon problème était de garder les consignes. Et là, ça créait à moi la timidité. Je ne pouvais pas, à certains endroits, je reste toujours timide. Quand j'ai quitté là-bas, je suis resté là-bas pendant 6 mois. Je suis rentré en ville. Il fallait entamer maintenant les études supérieures. Je voulais oublier quelque chose. Dès là, ils ont constaté ça. Ils ont commencé à me confier les livres parce qu'il fallait lire les livres. Livres et on se rencontre le lendemain après le travail. On se rencontre pour le débat. J'étais obligé aussi de prendre des livres, bien que je ne pouvais pas les lire, j'amène, je dors. Mais quelque chose est venu en moi, parce qu'on parlait de Jésus, j'ai dit, je dois aussi lire. C'est là où j'ai commencé, je peux dire, la rencontre, l'amour de Jésus. C'est là où j'ai commencé réellement à découvrir que, avec Jésus, la vie va changer. J'ai un problème de sûr, hein. ces derniers temps. Alors, en lisant, j'ai commencé aussi à faire le débat. Bien que ce n'était pas facile pour moi, mais je trouvais que je venais d'une église catholique, je trouvais que c'était vraiment les jeunes gens qui ont perdu la vie, comment à leur âge ils peuvent faire le débat sur Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie, ils commencent comme ça, trop jeunes, ce n'est pas normal. Et après la lecture, vous pouvez me donner un livre aujourd'hui, je prends aussi le temps de lire. Après la lecture, j'avais quand même un élément à ajouter, et c'est ce qui entraînait ma vie à progresser avec Jésus. Même quand je suis allé dans les études supérieures, là au moins, ça déliait ma langue, parce que c'est une habitude que je n'avais pas. Vous comprenez que dans les études supérieures, il faut toujours avoir des livres à lire. Il faut se retrouver avec les amis, et faire un peu le débat pour découvrir qui est la vérité, qui est cachée en ça. Mais si je n'avais pas rencontré Jésus à ce moment-là, ça ne pouvait même pas évoluer. C'est pourquoi j'ai titulé ça Venez voir l'homme qui a délié malin. Je crois que je ne voulais pas vous prendre beaucoup de temps. Je m'arrête là.